Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à toutes et à tous, 40e épisode de la mécanique des ondes sur fréquence protestante, bienvenue. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Et pour cette 40e, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir de parler technique. Et oui, la radio, ce n'est pas simplement tous ces égos de journalistes, animateurs, etc. Il faut bien qu'il y ait des techniciens pour pousser toutes ces manettes et boutons pour faire marcher la machine radiophonique. Alors pour en parler, aujourd'hui, je reçois le responsable de la maintenance à Énergie, Christophe Desconfins. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la mécanique des ondes. Eh bien, alors, merci de m'accueillir. Christophe, première question habituelle de cette émission. Vous êtes au micro d'une radio associative. Je voulais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. La radio associative, oui. Alors, j'en ai pas fait. Jamais été longtemps dans une radio associative, mais j'ai commencé mon premier stage de troisième. Je l'ai fait sur une radio qui s'appelle Radio Semnoz, que vous connaissez peut-être, qui est une radio locale sur Annecy, qui a deux fréquences maintenant aux alentours d'Annecy. Annecy, c'est la ville d'où je viens. Et voilà, mon premier souvenir de radio, c'est là. Et puis après, j'avais fait un petit peu de radio aussi. Alors c'est pas une associative, c'est une radio temporaire. Donc il n'y avait pas vraiment de statut associatif, même si finalement on était associatif. Et oui, ça peut me rappeler ça. Mais vous êtes beaucoup mieux équipés que que ce qu'on avait à l'époque. On nous le dit souvent. Merci Christophe. Alors justement, vous me disiez 15 ans. Vous avez commencé à 15 ans. C'était même un petit peu plus tôt. Alors le stage était en troisième, donc ça doit faire à peu près 15 ans. Et encore un petit peu plus tôt, j'avais fait de la radio en colo, et c'est là que j'ai vraiment découvert ça. En colonie de vacances, il y avait une petite radio. Ils avaient, alors je sais même pas s'ils avaient une autorisation du CSA. Il y avait un petit émetteur qui émettait à 1 km à la ronde et encore. Et en fait, j'ai passé toute ma colo là-dedans pendant 3 semaines. J'ai fait que ça. J'avais plein d'autres activités. Il y avait des piscines. Il y avait plein de trucs cool. Mais moi, j'ai fait que de la radio parce que c'était ce que j'avais envie de faire. Et non, c'est vraiment cool. Et je pense que les deux animateurs qui étaient là, qui étaient, je crois, des professionnels ou des étudiants en radio. J'adorais les retrouver d'ailleurs. Ils s'appelaient Alban et Nicolas, je crois, ou un truc comme ça. Et je me demande s'ils bossaient par Radio France, je sais plus. Mais ils m'ont vraiment, je pense, donné envie de faire écouter micro, parce que j'en ai fait un petit peu, et puis écouter technique aussi beaucoup. Enfin, c'était vraiment une grosse découverte à ce moment-là. Mais vous avez donc commencé extrêmement jeune, quoi. Donc le virus radiophonique vous a pris extrêmement jeune. Oui, bah oui, pour le coup, oui, là c'est très jeune. Même si là, ça a été 3 semaines, hein, mais c'est ce qui m'a donné envie ensuite de faire le stage en troisième à Radio Semnoz, puis après de continuer sur cette voie-là. Quoi. Vous étiez déjà très auditeur de la radio, enfin gros consommateur ? Pas tant que ça, j'écoutais ce que mes parents écoutaient en fait, donc dans la voiture, c'était très nostalgie, très chérie FM, et puis ma mère écoutait aussi beaucoup France Inter, enfin, d'ailleurs ils sont restés sur ces radios-là, hein. Puis un petit peu de radio locale aussi, ODS à Annecy. Alors un stage en troisième à Radio Semnoz, ça décide un petit peu de toutes les études qu'on va faire ensuite ? Ça donne une bonne voix. On sait pas trop. Voilà, ça donne une envie de faire de la radio, mais après, bon, comment ça peut se matérialiser ou pas. Voilà. Après, donc il y a cette année que j'ai passée dans la radio temporaire qui était pas très lié au lycée, mais enfin voilà, avec des gens du lycée. Et puis ben oui, après du coup j'ai cherché comment faire mon métier et j'ai trouvé le BTS audiovisuel parce qu'on était très école publique. Mais enfin ma mère en tout cas est très école publique et du coup ben voilà, j'ai regardé le BTS audiovisuel et sur lequel je n'ai pas été pris parce que j'avais pas un assez bon dossier scolaire. Mais c'est pas facile le BTS audiovisuel quand même pour rentrer dedans, hein. C'est souvent les gens qui font de la musique ou faut vraiment avoir un gros bagage plutôt musical d'ailleurs, bizarrement. Et puis j'ai découvert le Studec parce que les radios que j'écoutais à l'époque, j'écoutais des libres antennes, notamment Bart sur Europe 2 qui maintenant fait une radio. Il y avait des stagiaires du Studec. Studio École de France, ouais, j'explique. Studio École de France, oui. L'école de radio, la plus ancienne, si je dis pas de bêtises. La plus ancienne, et alors, j'y bosse un peu aussi, donc la plus sérieuse et la seule qui a un diplôme d'État. Donc j'ai entendu parler de cette école dans cette émission, je me suis renseigné sur Internet, j'ai visité, j'ai réussi à convaincre mes parents. Il a fallu monter sur Paris. Bah oui, parce que c'était pas facile. Moi, je connaissais personne sur Paris, j'avais pas de famille, j'avais personne. Donc du coup, j'ai réussi à convaincre mes parents, l'école est pas donnée. Je ne remercierai jamais assez de m'avoir payé ça. Et du coup, je suis arrivé dans cette école de radio. Alors justement, j'ai pas vraiment fouillé lors de vos jeunes expériences, avant le bac. La technique, c'était évident pour vous d'être, derrière le micro justement, ouais. Mais aux manettes. Il y avait les deux en fait. J'aimais bien le côté technique parce que derrière la console, gérer l'émission, c'était vraiment ce que j'aimais bien. Mais que ce soit en colonie de vacances ou que ce soit dans l'expérience que j'avais eue sur la radio temporaire qui s'appelait Radioactive. Voilà. Ah. Il faut citer les radios. Bien sûr, on va tous aller sur Google juste maintenant pour aller voir ce que ça donnait. Il n'y a plus grand chose. Hein. À l'époque, le web n'était pas encore aussi développé que ça. Hein. C'était en 2004. Donc c'était moi qui avais fait le site. Il est tout pourri. Si vous allez n'y voir. Allez pas en c'est fait. C'est pas une bonne idée. Mais donc j'étais aussi à la console. Pas trop la partie technique parce que ça n'existait pas sur ces petites radios là, mais c'était plus la partie console. Mais j'aimais bien avoir quand même un micro et faire une ou deux chroniques, faire ce genre de choses. Et c'était pas si évident que ça de faire que de la technique en fait. J'aimais beaucoup aussi le rôle des réalisateurs qui étaient dans les émissions de Libre Antenne, qui sont vraiment la technique, mais qui ont toujours un mot à dire, un machin, un truc comme ça. Et j'aimais bien ce côté qui permettait de mixer entre deux, qui est pas trop exposé parce que je suis d'un naturel à pas trop m'exposer. Mais participer quand même tout en étant sur la partie technique. Alors justement, au Studec, on sait qu'il y a animateur, journaliste, réalisateur. Alors le choix était difficile au départ ? Ça a été un peu difficile parce qu'on a fait 3 mois. Enfin, non, c'est pas si difficile que ça en vrai. On a 3 mois qu'on n'est pas spécialisé. Donc, les élèves qui arrivent font les 3 spécialisations. Ils font un peu de journalisme, ils font un peu d'animation, un peu de technique. Et alors, la technique, je savais que ça me plaisait, ça y avait pas de souci. Mais je me suis laissé prendre au jeu de l'animation parce que finalement, c'était cool de se retrouver devant un micro et puis s'amuser un peu. Et puis le journalisme aussi me plaisait aussi finalement. Du coup, ça faisait un choix un petit peu difficile. Et je pense que l'école ne m'a pas trop poussé à faire animateur ni journaliste parce qu'il y en avait déjà beaucoup et donc quelque part j'aime bien aussi c'est pas bête hein, comme il n'y a pas tant de ça de personnes qui veulent faire de la technique, s'il y a des gens qui font de la technique, ils vont pas trop essayer de les emmener en animation ou en journaliste puisque voilà, c'est comme ça permet de faire aussi des techniciens. Et il s'est trouvé qu'en même temps au tout début de l'école, j'ai eu un stage à Beurre FM. Et que c'était très facile de faire du micro à Beurre FM. En fait, je me suis retrouvé à faire un stage de réa. Et puis à un moment, il y avait une émission qui devait pas être là, donc on me dit mets de la musique. Et puis vas-y, parle. Ah bon, je peux faire ça. Vas-y, c'est la cool ici. Donc c'est plus comme ça maintenant. Hein. Ouais. C'est plus comme ça maintenant. Si jamais il y a des gens de Beurre FM qui m'écoutent, ils vont me taper dessus. Mais non, c'est plus comme ça maintenant. Mais en tout cas, au moment où je suis arrivé, on m'a dit de 11h à midi, là, il n'y a pas d'émission. C'est une émission de voyance. Il n'y a pas de voyance. Vas-y, annonce les disques. Et du coup, je me suis dit je peux faire une formation technique que je n'aurais pas à Beurre, que j'aurais nulle part. Et en même temps, je peux continuer à faire un peu de micro pour m'amuser. Et je vais forcément un petit peu progresser. Donc je vais aller faisons de la technique au Studec et je pourrais peut-être faire de l'animation à un moment à Beurre FM. Alors justement, Beurre FM, ça n'a peut-être pas été votre seul stage au Studec puisqu'on doit un peu les accumuler quand même les stages. Et ben pas de bol, si. Ça a été mon seul stage. D'accord. Ça a été mon seul stage et en fait, quand je suis arrivé, c'était genre 2-3 semaines après le début de l'école, le directeur du Studec, donc Sylviano Marchand, vient nous voir et dit j'ai un stage pour faire de la réa, qui est intéressé, on est une dizaine dans la salle de cours à lever la main, venez me voir à la fin et je vous en parle. Bon, on y va. On était toujours 10 dans son bureau quand il a dit Beurre FM. Alors c'est bête, mais je pense que je suis le seul à avoir appelé. Et au départ, c'était pas du tout ce qui m'attirait non plus. Moi, j'étais très Europe 2. En fait, je voulais absolument franchir les portes de d'Europe 2. Et donc je me suis dit je vais prendre ce stage-là, même si c'est pas ouf, c'est pas grave. Je vais au moins montrer que je suis motivé. Ouais. Et je me retrouve à Beurre FM et je me retrouve. Du coup, très rapidement, la console, mon premier jour de stage, allez hop, tu vas réaliser cette tranche de 3 heures. On va te montrer, on va t'expliquer, etc. J'étais bien accompagné, il n'y a pas de souci. Et je me retrouve donc très rapidement à faire ce que je veux faire, ce que je rêve de faire depuis que je suis petit. Et bah, les trois semaines, du coup, j'étais prolongé. Puis je me suis rendu compte que moi, je faisais ce que je voulais faire, que je faisais en plus de l'animation, et que les autres, bah, ils faisaient des stages pas spécialement moins intéressants, mais dans une grosse radio, on se retrouve plus facilement à faire de l'assistanat, à faire du café, de la photocopie. Moins impliqué, c'est vrai. C'est des stages qui amènent d'autres choses. Et je regrette presque de ne pas avoir fait ça aussi, parce que de ne pas avoir profité du SUNEC pour faire autre chose que Beurre FM. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que je suis resté assez longtemps. Et au fur et à mesure qu'on me reproposait, après, je voulais changer pour le stage d'été. On doit faire un stage durant l'été. Et puis, au moment où on devait changer, où la radio, c'est qu'il se modernisait. Il récupérait une super console. Il récupérait un système de diffusion. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est le logiciel qui permet de diffuser la musique. Merci de le préciser, Christophe. C'est mon côté prof, tu vois. C'est ça. On va y revenir parce que c'est vrai que le studio, vous y êtes un peu resté quand même. Vous y êtes revenu, on va dire. Je ris des étapes, pardon. Donc on s'équipait à Beurre FM de la même chose qui allait équiper le studio à la rentrée. Donc je me suis dit, ce serait bête de partir maintenant à la rentrée. Je vais doubler tout le monde. Je vais être super formé. Et donc je continue pour le stage d'été. Il se trouvait qu'à la rentrée, à Beurre, ils m'ont dit, si tu restes encore un an en stage, on t'embauche après. C'est très très tentant. Du coup, je suis resté. Eh bien, c'est le moment vraiment impeccable pour votre première pause musicale, Christophe Desconfins. Alors, vous avez choisi quoi ? Alors, j'ai choisi un duo entre Sting et Chez Mamie. Le titre, c'est Désert Rose. Alors, j'ai choisi ce titre parce que justement, ça fait un bon mix entre la musique de ma culture originale, un peu plus rock, pop, voilà, Sting, et puis Chez Mamie que j'ai découvert à Beurre FM. Et ce titre, alors, bizarrement, on le diffuse pas assez à Beurre FM, mais voilà, comme ça, c'est l'occasion de le diffuser sur Fréquence Protestante. Avant que ça démarre, Christophe Desconfins, je reprends un petit peu la main là sur Chef Mamie et Sting, Desert Rose sur Fréquence Protestante, toujours dans la mécanique des ondes. 4 minutes 27, vous ne m'en voulez pas, on le passe pas en entier. Ah mais alors, vous êtes chez vous, vous faites comme vous voulez. Christophe Desconfins, vous a laissé donc à Beurre FM, pendant en même temps vos études au Studec. Si j'ai bien lu votre biographie, vous y restez quand même presque 7 ans. J'ai publié une biographie, je vous dirai mes sources ensuite. Presque 7 ans à Beurre FM. Je me demande même si c'est pas 8 ans si on compte les 2 années de stage. Oui, au final oui, avec vos années de stage. À l'époque, on avait le droit de le faire, les 2 années de stage. Ouais. Aujourd'hui, ça serait totalement interdit. Ce serait très compliqué. À l'époque, il n'y avait pas la même réglementation, mais oui, j'y suis resté longtemps, du coup 8 ans. Mais parce que j'y étais bien, hein. Je regrette pas du tout, et c'était vraiment très bien cette période-là. Bah forcément, une radio qui a quand même importante, parce que c'est une radio que, en termes de notoriété, au moins tout le monde connaît de nom, je pense, enfin ou presque tout le monde, qui a un parc d'une petite vingtaine de fréquences, donc on entend un peu partout en France, ce qui est important, mais qui en même temps a une dimension humaine, et donc on peut facilement arriver à faire plein de choses. C'est comme on peut le faire sur certaines radios associatives, comme on peut le faire sur des plus petites radios, sauf que là, en plus de cette dimension où on peut faire plein de choses, il y a quand même un rayonnement national. Il n'y en a pas beaucoup des radios radios comme ça. Maintenant, il y a pas mal de radios parisiennes qui ont récupéré des fréquences. Il y a OuiFM, il y a Nova, il y a Ado, il y a plein de radios comme ça qui ont récupéré plein de fréquences. Mais à l'époque, Beurre était une des seules, un des seuls petits réseaux thématiques comme ça. Oui. Oh oui, complètement. Vous étiez responsable technique, donc vous avez commencé plus ou moins la réalisation. Ensuite, vous avez chapeauté, en fait, on va dire, tout le parc technique de la radio. Faut expliquer peut-être un petit peu comment ça se découpe tout ça dans une radio. Oui. Alors bon, moi j'ai fait au début que la partie réalisation, un peu d'animation, de la production aussi. C'est comme ça que je me suis rendu pas indispensable, mais presque. Vous avez produit, je crois, de très très bons génériques, dont celui d'Élodie Font dont elle a parlé ici. Hein. Exactement. Vous avez écouté l'émission, je crois. Oui, j'ai écouté l'émission. Oui, donc je fais toute la production. Alors la production, c'est quoi? C'est tout ce qui est montage, en fait. Donc pour expliquer à ceux qui nous écoute, par exemple le générique de la mécanique des ondes, il y a une comédienne qui a posé sa voix, il y avait des extraits de musique, et puis il faut mélanger tout ça, il faut que ça soit bien mix, qu'il y ait le bon niveau, qu'il y ait un son sympa, et donc c'est tout ça, c'est faire la production. Donc ça, on en fait sur les jingles, on en fait sur les génériques, on en fait sur les pubs, on en fait sur plein de trucs, et sur des émissions entières aussi. Il arrive d'enregistrer les émissions, et on enregistre par exemple que les voix, et puis on va rajouter le générique après. Donc voilà, ça c'était, je faisais tout ça. Je faisais aussi, donc j'étais responsable technique. Je suis arrivé responsable technique vraiment sur la fin. En tout cas, j'ai eu le titre officiellement à la fin, même si j'ai fait pas mal de choses avant. La responsable technique, c'est quoi? C'est la personne qui va gérer au quotidien tous les équipements techniques de la radio. C'est-à-dire que les micros, les studios, gérer les pannes, choisir quels équipements on va acheter pour faire évoluer le matériel, préparer les extérieurs. Il arrive que les radios fassent leurs émissions depuis un lieu extérieur au studio. Ça me permet d'aller à la rencontre des auditeurs. Et tout ça, il y a beaucoup de préparation. Comment on va faire la liaison, quel matériel on va amener, comment on va organiser les choses. Gérer aussi le déménagement. J'avais géré le déménagement de Beurre, de nos locaux qu'on avait à Colonel Fabien. Je dis encore nos, hein, comme quoi c'est. Très corporate encore. Alors que je devrais pas. Donc des locaux de Beurre FM à Colonel Fabien jusqu'à ceux de Charenton. C'est une expérience unique quand même, hein, le déménagement d'une radio et la réinstallation dans des nouveaux locaux. Un déménagement, oui, parce que on sent vraiment là une grosse responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça coupe. Il y a la continuité de l'antenne, voilà, à gérer. Absolument. Alors, moi, et en plus, j'y tenais vraiment, même si ma direction ne me l'imposait pas vraiment. C'est-à-dire, je pense que j'aurais pu facilement dire bon, là, il faut qu'on diffuse que de la musique pendant une semaine, parce que techniquement, on n'arrivera pas à suivre. Ils auraient pu me l'accorder, mais moi, je m'étais vraiment mis le défi d'y arriver. Un défi personnel et professionnel, du coup. Oui, c'est sûr. Et en même temps qu'on changeait de site, on changeait d'émetteur aussi. On passait les émetteurs, c'est vraiment l'antenne qui est au-dessus pour Beurre FM, au-dessus des tons mercuriales. Et on passait d'un prestataire à l'autre, de TDF à Towercast. Voilà, comme ça, je suis co-créateur aussi avec le groupe Énergie. Voilà, c'est ça. TDF, c'est la Tour Eiffel. Et Towercast, c'est donc les tours des mercuriales dans le nord de Paris. Alors, TDF est aussi un émetteur sur les mercuriales. D'accord. Donc, merci pour cette précision, Christophe. Non, mais c'est important. Il faut expliquer aux auditeurs que quand ça coupe, d'où ça vient. C'est exactement, important. Oui. Alors ça peut venir de plein d'endroits différents. La chaîne est longue, je vous le promets. Donc effectivement, donc responsable technique sur la fin et pas mal de défis techniques au final sur toute cette expérience de Beurre FM. Ah au-delà du déménagement, il y a toutes les parties, plein d'extérieurs. Alors ça, on a fait plein de trucs sympas. On a fait des concerts et des tournées de concerts. Et donc là, on se retrouve à faire un événement depuis. On a fait les Zénith de Paris, les Zénith de Saint-Etienne et le Dôme à Marseille, qui sont des grosses salles. Donc bon, là, j'organise pas le concert, hein, c'est parce que ça, je sais pas faire. Alors à l'époque, je savais encore vraiment pas faire. Maintenant, je pourrais avoir deux trois trucs, deux trois notions. Mais donc tout ça à faire qui fait pas mal de grosses expériences et de trucs vraiment sympas. Alors comment ça se termine cette expérience à Beurre FM et pourquoi? Alors pourquoi ça se termine? Ça se termine parce que suite au déménagement, il y avait pas mal de choses. Il y a des gens qu'on m'avait promis d'embaucher, qui avaient transmis cette promesse d'embaucher, que finalement ça s'est pas fait. Il se passe pas mal de déménagement. Techniquement, c'est plus que je voulais. Et puis il y a surtout que je faisais de l'antenne, je faisais une émission qui s'appelait Les Petites Annonces, le concept est simple, hein. Vous avez quelque chose à vendre, vous cherchez du travail ou machin, vous nous appelez et puis votre annonce va passer à l'antenne, quoi. Et puis les gens se mettent en relation ensuite les uns avec les autres. un concept qui peut paraître peut-être un petit peu vieillot, je veux bien l'entendre, mais qui avait toute sa place sur Beurre FM parce que bah, déjà, enfin, ça marchait tout bêtement. Il y avait des gens qui appelaient et puis au niveau de l'audience, ça marchait. À ce temps-là, on était, il m'est arrivé d'être devant des radios Paris, enfin sur la fréquence de Paris, en tout cas d'être devant Rire et Chanson ou devant RTL2, enfin c'est ce qui est pas rien quand même. Enfin, ouais, de se dire on est devant, avec nos petits moyens, on est devant ces gens-là, ce qui sont des grosses radios, donc j'étais très content. Mmh. Et puis cette émission, ils ont décidé de la supprimer comme ça, du jour au lendemain, sans vraiment moi j'ai pas trop compris. Du coup, je me suis un petit peu, on s'est un petit peu brouillé, on va dire, sur la fin. Il y a un prestataire de Beurre FM qui s'appelle A2i. Un logiciel de diffusion et de montage. Un logiciel de diffusion, exactement. Avec qui j'avais des bons contacts. Et je crois qu'ils ont soufflé mon nom. Au groupe Énergie, parce que Énergie recherchait des techniciens, et donc je faisais partie d'une... Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait ce poste qui se libérait, mais en tout cas, on a soufflé mon nom, et donc un jour, je me retrouve appelé par Énergie, en disant « Bonjour, c'est Énergie, il paraît que vous cherchez du travail. Ouais. » Ouais, surtout en ce moment. Et voilà, je me retrouve comme ça à être appelé et à faire des entretiens, et puis bah, finalement, j'arrive, quoi. Alors, en parallèle, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien lu votre biographie, Christophe Desconfins, vous êtes également formateur au Studio École de France. Vous y retournez aussi à ce moment-là? Alors, j'y retourne bien plus tôt, en fait. J'y retourne environ 4 ans après le début à Beurre FM, je octobre pense. 2008 à juin 2012. Donc, pendant presque 4 ans, oui, en effet. Je sais pas qui était ma biographie, mais il y a des gens qui sont mieux au courant que moi, mais ça doit être à peu près quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Ah, je vois que vous êtes bien informé. Il y a eu une enquête qui a été faite. mais en effet, oui, c'est ça. Et ça, c'est de votre propre volonté que vous retournez au Studec ou Silviano Marchion vous rappelle, le directeur du Studec? Pareil, on me l'a proposé. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, hein, finalement, dans ma vie, parce que j'ai eu... Et elle n'est pas finie, Christophe. Oui. Hein, on le rappelle, quand même. Alors, jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a plus proposé de choses que je ne suis allé en chercher. Alors, j'ai quand même manifesté mon envie d'eux, plusieurs fois pour le Studec, plusieurs fois pour quand je voulais partir de Beurre FM. Mais oui, donc, on m'a proposé, c'était un peu ceux qui se libéraient, puis il y avait besoin de... C'était quelqu'un qui avait plus un profil de coach, formateur, on va dire. Là, ils avaient besoin plus d'un profil technique pour venir compléter sur les fins de journée l'équipe technique de l'école. Et je me suis retrouvé, c'est quelqu'un qui était aussi dans ma promo, qui s'appelle Paul Chevret, qu'on salue s'il nous écoute, qui m'a proposé ça, et j'ai dit évidemment oui, parce que ça me plaisait beaucoup, non seulement de faire de la formation, parce que c'était un truc que j'aimais vraiment faire aussi. Et puis pour la partie technique, enfin non, j'étais très content. Oui, justement, c'est une vraie révélation de pédagogue, le Studec. Je sais que par mes sources internes, vous avez effectivement appris à beaucoup de techniciens du Studec, mais pour vous, c'était évident d'aller retransmettre le savoir? Mais je sais pas, il faut demander aux élèves. Mais en tout cas, ça vous a plu. En fait, c'est quelque chose que je faisais déjà à Beurre FM. À chaque fois qu'il y avait des stagiaires, je les prenais avec moi et je leur montrais. Et généralement, ça se passait plutôt bien, parce que j'aime bien transmettre. En fait, j'aime bien. Voilà, il y a un truc que je sais un petit peu faire a priori, et que il y a des gens qui ça va a priori un peu moins bien que moi, et je les amène d'un point à un point B. Voilà, au début, ils savent pas. Après, ils savent un peu plus. Et je trouve ça sympa, en fait, de transmettre les connaissances comme ça. Et donc le faire dans le cadre de cours, ce qui n'était pas spécialement évident, parce que quand je suis arrivé au Studec, j'étais hyper jeune encore. Hein. Je sais plus quel âge j'avais, mais je devais avoir 23-24 ans, et j'allais me retrouver avec pas mal d'élèves de mon âge, un peu plus jeunes, mais pas beaucoup, ou même plus vieux. Ça faisait un petit peu bizarre, surtout que j'étais sur les bancs de l'école 3 ans avant, et que je sais comment les élèves parlent des profs. Donc, fallait absolument que j'évite tous les trucs. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Oui, je vous le confirme. Des sources internes, C'est sources internes, alors. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Vous avez appris beaucoup à beaucoup de techniciens. Alors, du coup, Énergie, en 2012, vous appelle, ça va faire... ça va faire 5 ans que vous y êtes, en fait, à Énergie. Et ça fera 5 ans le 2 juillet, exactement. Ah, ouais. D'accord. Et alors, ils vous appellent parce que des techniciens pour de la réalisation en direct manquent ou pas du tout? Pas du tout. Je travaille pas du tout à la technique, je travaille pas du tout à l'antenne Énergie. Le groupe Énergie, il y a 4 radios dans le groupe Énergie. Énergie, donc, qui est la radio mère, on va dire. Chérie FM, Rire et Chanson et Nostalgie. Et il y a une entité du groupe Énergie qui s'occupe de gérer la technique pour le groupe, qui s'appelle Énergie Audio. Donc moi, je suis salarié de Énergie Audio. Et donc notre rôle, c'est de s'occuper techniquement des studios et des installations techniques des 4 radios. Et donc c'était ce poste-là qu'il y avait quelqu'un qui partait et donc il fallait quelqu'un pour le remplacer et je pense que moi on avait à Beurre FM et au Studec des consoles qui s'appellent des consoles Axia, qui est un type de console, ouais, c'est une marque de console comme Renault est une marque de voiture, et le groupe Énergie était assez équipé en console Axia. Je venais du Beurre et du Studec qui avaient le logiciel de diffusion A2i et le groupe Énergie est en diffusion A2i. Ça faisait pas mal de points qui faisaient que je pense que je correspondais au poste, et si je suis encore là depuis 5 ans et qu'on m'a pas encore sorti, ça veut dire qu'a priori je correspond encore un peu au poste. C'est ça. Mais alors du coup, plus du tout de contact avec le direct, plus d'antenne. Ben oui. Est-ce que ça vous manque? Oui. Oui, ouais, clairement, oui. Donc, vous êtes très content d'être devant un micro aujourd'hui. Oui, c'est ça. Même si c'est très bizarre, parce que ouais, j'ai eu l'habitude d'être à votre place, beaucoup moins celle-là. Mais oui, enfin, oui, clairement, c'est un manque. Enfin, vraiment, je me lève pas tous les jours en me disant pourquoi je n'ai plus le micro. Mais oui, il y a cet éloignement de l'antenne qui est un peu dommage, que j'ai retrouvé un peu plus proche cette année, parce que parmi nos missions, on s'occupe aussi des lives, donc quand les artistes viennent chanter dans les émissions, et je le fais depuis la rentrée pour l'émission de Koé, donc qui fait tous les soirs entre 19h et 22h sur Énergie, ça fait un peu de pub. Il y a plein d'artistes qui viennent chanter, et donc à ce moment-là, il y a un technicien qui est là durant les 3 heures. Et du coup, donc, je fais partie de ces deux techniciens qui font cette émission. Non, ouais. Pas qui réalise. Du coup, la réalisation, c'est la personne qui est à la console pendant l'émission et qui va donc gérer les micros, l'envoi des jingles, l'envoi des disques, etc. pour l'émission. Moi, je suis à une autre console qui va gérer uniquement le live de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste vient avec soit ce qu'on appelle un PBO, donc c'est l'instrument, juste les instruments de sa chanson. Donc, je vais mixer le PBO et sa voix, ou alors vient avec des instruments, avec une guitare, avec une batterie, avec je sais pas trop quoi. Donc je m'occupe de choisir les micros, de les régler, de les positionner et de faire le mixage du titre en live. Et du coup, bah alors c'est pas de l'antenne, hein, mais je dépends d'une émission. Et il y a un peu plus d'adrénaline. Il y a un peu plus. Ah voilà, c'est ça que j'aime bien. Alors, la radio aussi, c'est le direct. Et là, oui, c'est vrai que quand il y a Lady Gaga qui arrive et qui se met à chanter, bah faut que ça marche quoi. Il y a des artistes qui viennent avec leur ingénieur du son et qui l'imposent ou pas? Ouais, ça arrive. Les Américains souvent. C'est souvent les Américains qui viennent avec leurs ingé son. Soit ils prennent complètement de place, donc mais ça arrive assez rarement finalement. Soit ils contrôlent, on fait les niveaux avec eux, on choisit, ils nous regardent, ils nous disent non, ça fait le plus comme ça, rajoute plus de tel instrument, change mais plus de grave ici, mais voilà, ils nous guident. Mais au final, généralement, c'est nous qui restons maîtres de notre live, quoi. Alors, depuis effectivement toutes ces années, vous êtes toujours, bon, alors à part depuis la rentrée dernière, mais vous êtes toujours plus ou moins resté dans le même credo de plus ou moins de maintenance, en fait, à Énergie Audio. Oui, alors le titre responsable et savez maintenant, c'est le titre, on va dire, original, puisque je devais, enfin, le poste, c'est en tout cas de récupérer les équipements en panne, voir d'où vient la panne et les envoyer au bon prestataire pour faire la réparation. Ça, on va dire, c'est la mission de base. Au-delà de ça, je suis dans l'équipe du labo audio. Donc le labo, c'est tous les techniciens audio, en fait. Lorsqu'il y a une panne sur une antenne, sur une de nos 4 radios, les utilisateurs, donc les animateurs ou les réalisateurs, nous appellent et c'est le premier qui décroche qui va résoudre la panne, quoi. Donc voilà. Donc au-delà de la maintenance, je fais aussi ça. Je m'occupe aussi un petit peu de tout ce qui est partie console en binôme avec le responsable des consoles. Je m'occupe de tout ce qui est partie pige. Alors la pige, c'est quoi pour ceux qui nous écoutent? Pareil, c'est on enregistre. Les radios sont obligées d'enregistrer garder un mois de leurs enregistrements. Là, c'est pour le CSA. C'est le CSA qui le demande. Voilà, pour s'il y a un dérapage, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait tel jour à telle heure, non, à ce moment. Mais donc ça c'est le truc légal de base. Nous on a poussé le truc beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on pige chaque studio, on pige chaque départ, on pige ce que l'on envoie à la Tour Eiffel, on pige ce que la Tour Eiffel nous renvoie, on pige ce que l'on envoie au satellite, ce que le satellite nous renvoie, chacun des studio principal. C'est un système de malade, Christophe Desconfins. Il y a beaucoup de choses, plus toutes les concurrentes, plus le groupe Énergie a pas mal de locales, on pige donc toutes nos locales, on pige des concurrents dans nos locales, on pige aussi une web radio, il y a 250 web radios sur le groupe. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de piges. Et donc ça prend vraiment pas mal de temps. Enfin voilà, du coup, je suis bien occupé quand même. Ça doit bien vous occuper. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là? Vous reprenez quand même au final un petit peu d'antenne. Christophe Desconfins, est-ce que vous avez une petite stratégie pour l'avenir à énergie peut-être, ou peut-être ailleurs? Eh bien alors, pas du tout. Je voulais le scoop, je l'ai loupé. Non, raté. Non. En fait, je calcule pas beaucoup de choses. En fait, c'est je me laisse porter par le vent. Bah jusqu'ici le vent a plutôt bien fait les choses. Donc voilà. Après oui, si, alors le problème c'est que le groupe énergie, qui n'est pas un problème en même temps. On est assez cloisonné. C'est-à-dire c'est pas très facile de passer d'un endroit à l'autre. Finalement, on est chacun professionnel de ce qu'on fait et puis. Autant j'avais le niveau pour faire les petites annonces de Beurre FM, j'ai peut-être pas le niveau pour faire quelque chose sur énergie. Et de toute façon, c'est pas la même manière de parler, c'est pas pareil. Donc, quand on fait de la technique, généralement, on reste à faire de la technique de la même manière que les animateurs restent à faire de l'animation, etc. Mais c'est français aussi, là, de rester cloisonné. Je sais pas si c'est français ou si ça se fait un peu partout comme ça, je sais pas. En fait, je sais vraiment pas. C'est vrai que sur Beurre FM, vous étiez quand même le seul, du coup, technicien à faire de l'antenne. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, ça, comme mélange, on le voit pas beaucoup. J'étais aussi le seul technicien. Ah, effectivement, il y a ça aussi qui change. Non, enfin, en plus, je dis des bêtises parce qu'on était plusieurs à faire de la technique. Mais, voilà. Puis finalement, la technique nous occupe tout notre temps toute notre semaine. J'ai des choses à faire. Donc, j'aurais pas le temps de faire de l'antenne. Donc ce sera un mélange d'ailleurs qui serait. Peut-être que si un jour j'arrive à retrouver un micro sur une radio société ou sur un. Ça, voilà, c'est un truc qui pourrait m'amuser. Je sais pas. À voir. Le message est passé en tout cas, Christophe Desconfins. Ça va être le moment de votre deuxième pause musicale, le temps file. Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors j'ai choisi un titre de Saez qui s'appelle Fils de France. Mm-hmm. Oh, c'est en rapport avec l'actualité, vous allez écouter les paroles. Et c'est un titre qu'il avait écrit, je crois, le lendemain du 21 avril 2002, pour ceux qui ne se souviennent pas. C'est l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Il s'est passé la même chose récemment et je me disais que... Autant ça a l'air un peu plus banalisé cette année, c'est pas mal de voir ce qui se disait à l'époque, les réactions qu'il y avait eu certains artistes à l'époque. Nous sommes la tolérance. Ah, j'étais obligée de la laisser jusqu'au bout quand même. Et puis en plus, on discutait hors antenne, mais bon, c'est vrai que c'était un message quand même assez fort, 16 à l'époque en 2002. C'est vrai. Et qui, du coup, autant toujours d'actualité aujourd'hui. C'est ça. Alors je précise qu'on enregistre avant le second tour, donc écoutez, au moment où l'émission sera diffusée, on saura. Mais pour le moment, nous, on ne sait pas. Mais bon, ce message fait toujours du bien à être passé. Quoi qu'il arrive, on ne peut que déplorer les scores qu'elle a fait. Complètement. Voilà. On est d'accord. Quel qu'il soit, finalement. Alors, dernière partie de l'émission, Christophe, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, mais j'ai envie de vous poser la question. La RNT, je pose la question à chacun de mes invités. Ouais. C'est la radio numérique terrestre. Alors, je l'explique à chaque fois aux auditeurs. Je pense que vous allez, cette fois-ci, ça va être vous qui va l'expliquer. La radio numérique terrestre, qu'est-ce que c'est? Actuellement, la radio, vous l'écoutez, pour la plupart, en tout cas, j'imagine, sur la FM. Donc, c'est une manière d'émettre, qui est une manière analogique. Si on veut, on fait bouger une antenne et puis on arrive à réceptionner le signal. Le problème, c'est qu'il y a un nombre de fréquences qui est très limité. D'ailleurs, si vous nous écoutez, j'imagine, sur la région parisienne, vous bougez à peine le bouton de votre poste que vous tombez sur une autre radio. Sur Énergie en particulier, parce que nous sommes juste à côté. J'en profite à chaque fois pour dire à ceux d'Énergie que des fois, ça déborde un petit peu. Non. Alors, pour le coup, on est... vous parlez au service technique d'Énergie. C'est vrai. En plus, j'en profite. On ne déborde jamais de notre excursion de 75 kilos. Et alors, si c'est le cas, dites-le nous. On veut surtout pas... Je passerai un coup de fil. On veut surtout pas abîmer votre fréquence. Donc voilà, donc c'est une manière d'écouter la radio et on a trouvé une nouvelle manière d'émettre qui est en numérique. Et en gros, pour simplifier, on peut mettre plus de radio sur moins de place. C'est comme il s'est passé sur la télé jusqu'en 2005, je crois. Vous n'aviez droit qu'à 6 chaînes. Et on a réussi à mettre aujourd'hui 27 chaînes gratuites, en tout cas il y en a même plus si on compte les payantes. Donc voilà, l'idée de la RNT, c'est de faire la même chose. C'est la TNT de la radio, allez, pour vraiment simplifier. C'est exactement ça, c'est exactement le même problème. Sauf que les radios, il y a un petit débat, contrairement aux télévisions. Ah non, il y avait eu le débat sur la télévision. Qui n'a pas duré au final si longtemps que ça. Si, non, mais autant pour moi. La TNT, ça a été une catastrophe. Parce que le vrai problème, c'est que quand il n'y a pas beaucoup de place et qu'il y a des gens qui sont à cette place-là, ils veulent surtout pas partager la place qu'ils ont. Parce que forcément, pour TF1 M6, parce que c'est les télévisions privées, lorsqu'elles ont vu qu'elles pourraient avoir plein de concurrentes, elles se sont dit, les gens vont moins nous regarder, donc on va vendre moins de pubs, donc on va gagner moins d'argent, et donc ça va pas aller. Donc ils ont freiné des cas de fer. Enfin, que c'est arrivé finalement. Et le CSA, pour que ça passe, leur a donné des chaînes. C'est pour ça qu'il y a W9 qui est du groupe M6. C'est pour ça qu'il y a TF1 avec quoi d'ailleurs. Je sais pas où tu es. Au départ, si, ils ont ouvert NT1, je crois, TF1. On parle radio ils, ici. Ils ont donné aux acteurs privés d'autres canaux de diffusion. Et pour la radio, en gros, c'est pareil. Il y a une grosse volonté des radios locales et des radios associatives parce que ils vont pouvoir avoir plus de fréquences. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être écouter fréquences protestantes sur une fréquence entière et dans d'autres villes de France. Sauf que les grosses radios, donc comme Énergie, ont tout intérêt à ce que ça ne se fasse pas. Alors, je précise juste là, personne du groupe Énergie m'écoute, je m'exprime juste en fonction on a de votre point de vue. Ce que moi je pense, et c'est pas du tout la voix du groupe Énergie que se porte aujourd'hui. Donc voilà, il y a une polémique depuis plusieurs années. La RNT devrait marcher depuis déjà des années. Là, il y a juste trois fréquences qui sont en place, à Paris, à Marseille et à Nice. Mais je suis sûr que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, alors sauf si des auditeurs réguliers de la mécanique des ondes, puisque vous en parlez souvent, ne connaissent pas la RNT. Complètement. Et donc, il y a le gros débat, puisque les radios privées veulent lancer la radio sur IP. Alors, Christophe Desconfins, qu'est-ce que c'est, la radio sur IP? La radio sur IP, ça existe déjà, en fait. C'est écouter la radio par Internet. Par Internet ou par les téléphones portables, par exemple. Donc ça existe déjà. Et en gros, ce que disent les grosses radios, mais pas que les privées, finalement, parce que Radio France s'était rallié à ce système-là. C'est-à-dire que si on veut faire de la RNT, on va devoir, en même temps que l'on est aimé en FM, parce qu'on ne peut pas tout d'un coup arrêter la FM et dire aux gens et passer sur la RNT, parce que vous allez tous devoir acheter autant de postes que vous avez, changer votre voiture, etc. Enfin, c'est une catastrophe, on ne peut pas faire ça. Donc il y a forcément un moment où il y a cohabitation des deux moyens de diffusion, comme la TNT a été en parallèle avec la télévision hertzienne pendant une bonne dizaine d'années. Sauf que émettre, ça coûte de l'argent. Avoir un émetteur, ça coûte de l'argent. Donc, pour pas plus d'audience, on va payer deux fois plus. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, les grosses radios qui ont plein de fréquences, on n'ont pas envie. Les petites radios, ont envie, parce que elles y voient un élargissement de leur audience, mais en même temps, est-ce qu'elles pourront toutes supporter la double diffusion? On sait pas sûr. Là, le dossier est toujours en cours, Christophe Desconfins, de toute façon, au CSA, donc c'est un. Sauf que ce qui va se passer là bientôt, c'est que le CSA va autoriser de nouvelles villes à avoir de la RNT, et donc on va passer le cap des 20% de la population du territoire français, non, de la population française couverte par la RNT. À partir de ce moment-là, tout moyen d'écouter la radio, donc tous les postes que vous achetez dans le commerce, il y aura obligation qu'il y ait aussi moyen de capter la RNT. Donc les gens qui vont, et bien pour les voitures, qui est l'endroit où on écoute le plus la la radio. Donc les gens qui vont avoir une radio, ils vont avoir la possibilité d'écouter les radios RNT, et là on observe que petit à petit les gens se disent bon ben Radio France maintenant va sur la RNT du coup. Ouais, ça y est. Je crois que Skyrock y est allé ou non ils y sont pas encore, je sais plus, je dis peut-être des bêtises. Voilà, donc à vérifier. Bon, en tout cas oui, c'est un dossier oui qui continue, et on espère qu'il va au moins avancer dans un sens ou dans un autre, hein. Moi j'y crois pas. Bon, d'accord, OK, c'est votre opinion. Et puis avant de passer au questionnaire rapide, Christophe Desconfins, maintenant, alors vous travaillez encore dans une radio, on va dire hertzienne, peut-être bientôt en RNT, on ne sait pas, mais il existe, et vous en avez forcément vu passer, il existe maintenant des boîtes de production qui produisent des podcasts. Alors les podcasts, évidemment, à la base, c'est un moyen de réécouter les émissions de radio qui ont été diffusées sur les radios classiques, on va dire, mais c'est également des émissions originales. Alors, déjà, j'ai envie de savoir si vous en écoutez, des podcasts. J'en écoute pas, non. J'ai pas le temps, je prends pas le temps, en fait. C'est vraiment une histoire de temps. C'est du son que vous n'écoutez pas. Ben oui, non, oui, alors c'est dommage, du coup je me sens accusé là. Non, pas du tout, non. Non, alors après il y a vraiment un truc que j'aime dans la radio, c'est le direct. C'est le fait, et la même chose pour la télé, en fait, de la même manière que j'écoute pas de podcast, en fait je regarde très peu les émissions en VOD ou en replay. Si c'est passé, c'est passé. Parce qu'au moment où je vais regarder mon replay, il y a un autre truc qui passe en direct qui est peut-être plus intéressant. Et d'accord. Donc, je me dis, mais c'est une manière assez originale, de voir les choses, d'accord. Okay. Voilà, donc je prends pas assez le temps. Après, oui, c'est bien que ça existe, et tant mieux qu'il y ait des gens qui. Le problème de ça, c'est que moi j'ai l'impression que c'est un contenu qui est fait pour une faible audience finalement. Pour une niche. Et ça reste de la niche. Alors est-ce que c'est viable? Je sais pas. Est-ce que, enfin, mais c'est toujours bien que ça existe. De toute façon, le plus il y aura de moyens d'expression audio, plus ce sera bien. Enfin, c'est génial. Il y a Facebook qui va lancer une sorte de Facebook radio. Exactement. À la rentrée prochaine. Voilà, ouais. Facebook audio. De la manière qu'on fait les Facebook live, on pourra faire des Facebook audio. Et je pense, voilà, c'est un des nouveaux moyens. Mais pour moi, ça reste deux trucs différents. C'est du contenu. Et du contenu, quand il n'est pas associé à une grosse marque, c'est quand même compliqué. Les gens vont, alors les podcasts qui sont le plus écoutés aujourd'hui, c'est ceux de France Inter. Les gens vont écouter la chronique de Machin parce que c'est sur le podcast de France Inter. Le jour où Machin n'est plus sur France Inter, eh ben on l'écoutera beaucoup moins. C'est bête, mais c'est le média qui va attirer vers le contenu. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, Christophe Desconfins, alors on va aller très très vite sur le questionnaire rapide. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Philippe Robichon. Vous pouvez pas savoir qui c'est, de Beurre FM. Ah, de Beurre FM. D'accord. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Nostalgie. Ça sent bien, ça fait partie du groupe Énergie. Exactement, c'est ça. Quelle radio vous réveille le matin? Alors, Chérie FM, mais aussi les quatre du groupe, puisqu'on quand je travaille le matin, on est obligé d'écouter les quatre, mais on va dire Chérie FM souvent. Ou si je choisis moi, ce sera peut-être France Inter. Quelle radio vous endort le soir? J'écoute pas la radio pour m'endormir. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? La voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? J'ai pas d'endroit où j'écoute jamais. Les endroits où ça capte pas. Votre meilleur souvenir de radio, si vous n'en avez qu'un seul à retenir? Si on n'a qu'un seul à retenir, peut-être les directs qu'on a fait durant les concerts de Beurre FM. On s'est retrouvé à faire une émission de avant-concert et pendant le concert. On était à l'antenne de 14h à minuit et c'était juste génial, vraiment. Le pire souvenir, j'ai... Non, j'ai rien qui est associé à un truc négatif, en fait. Tant mieux. Et un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio pour terminer? Avoir de la passion et travailler. Et ben voilà. Avec ces deux trucs-là, normalement, ça marche. Mais exactement, c'est une excellente conclusion. Et faire le studec aussi. Petit placement de produit. Non, c'est pas du placement de produit. Silviano Martians et Jackie Gallois seront très heureux de vous entendre, Christophe et Confin. Bon, en tout cas, effectivement, merci beaucoup, Christophe, d'avoir fêté avec moi ce 40e épisode de La Mécanique. Bon anniversaire. Merci, je vous remercie. Cet épisode, il va être réécoutable et bien dans quelques instants sur le www.lamecaniquedesondes.com et sur le fréquenceprotestante.com. Et puis, évidemment, vous nous retrouvez sur Facebook et Twitter. Merci beaucoup, Christophe. Et merci à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très sympa.